Ajahn Chah. Être ce qui est. Expérience de méditation. J'ai eu des problèmes avec la méditation. Je me souviens d'une fois où je ne cessais de me heurter à un obstacle. C'était comme si j'avançais quelque part et, quand j'arrivais à un certain point, il n'y avait plus nulle part où aller. Une autre fois, c'était comme si je marchais et je me cognais dans quelque chose. Alors je m'arrêtais et je repartais, mais je ne cessais de me cogner dessus encore et encore, et de faire marche arrière. Finalement, j'ai eu peur et j'ai abandonné. Dans le premier cas, il n'y a rien contre quoi se cogner, mais il y a tout de même une obstruction. Dans le second, quand on arrive à cet obstacle, on a peur et on fait demi-tour. L'esprit se demande de quoi il s'agit. En méditation assise et en marchant, on revient sans cesse à ce point et on s'interroge sur sa nature. En fait, ce n'est pas important. Au bout d'un certain temps, l'obstacle disparaît, mais il réapparaîtra peut-être et on se posera les mêmes questions. Que se passe-t-il donc ici? Ce type d'incertitude est une véritable plaie. Cela se produit en samadhi. En fait, c'est dû à notre attachement à ce que l'on vit en samadhi. Ces ressentis et ces expériences arrivent et nous déconcertent. Nous ne savons pas ce qui se passe, simplement parce que notre compréhension n'a pas encore atteint le stade du lâcher-prise. Un jour, je suis allé voir un maître de méditation du nom d'Ajahn Wang. Il vivait au sommet d'une colline avec un autre moine et deux novices. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je me disais qu'il devait être assez spécial pour vivre dans ces conditions. Quand j'ai fini par le trouver, il était heureux. Il savait. Il savait qu'un pratiquant sincère allait arriver. Il comprenait les moines de la forêt et il était heureux de rencontrer quelqu'un qui méditait. Note de Jeanne Chute. Les moines de la tradition de la forêt sont aussi appelés moines de méditation, car c'est à la méditation qu'ils consacrent leurs efforts et leur vie. Fin de la note. Le soir, il nous a parlé de la pratique. C'était un disciple d'Ajahn Moon, de la génération d'Ajahn Lee. Ceux-là étaient des pratiquants vraiment sérieux. Je lui ai dit « Vénérable, il me semble que l'occasion est propice pour que je vous demande quelques conseils. J'aimerais savoir quel est le véritable sens de la méditation. » Et j'ai évoqué les difficultés que j'avais rencontrées. Il m'a répondu la chose suivante. « Oh, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Ce n'est qu'un tout petit aspect de la pratique. » Il parlait d'expérience. Il a raconté qu'un jour, pendant qu'il méditait en marchant, il s'est arrêté, a fixé son attention et son corps s'est enfoncé dans le sol. Il en était conscient. Pourquoi n'aurait-il pas su ce qui se passait? Et voyait son corps s'enfoncer toujours plus profondément dans la terre. Pleinement présent, il ne pouvait que laisser son corps poursuivre sa descente. Il le laissait faire ce qu'il voulait. Finalement, il est arrivé au bout, sans savoir où était ce bout ni ce que c'était, mais il avait conscience que son corps était arrivé. Ensuite, il a commencé à s'élever peu à peu jusqu'à retrouver la surface de la terre, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à monter et à monter. Ajahn Wang était conscient de tout cela, tout en s'étonnant que de telles choses puissent se produire. Son corps a continué à flotter dans les airs jusqu'à ce qu'il arrive à un arbre, et là, il a explosé. Boum ! Ses intestins étaient accrochés aux branches des arbres comme des guirlandes. J'ai dit, « Ajahn, était-ce un rêve ?» Ce n'était pas un rêve. Bien sûr, c'était très étrange d'entendre cette histoire, mais ces choses arrivent vraiment. Quand on en a fait soi-même l'expérience, on sait qu'elles arrivent vraiment. Si cela vous arrivait, si votre corps explosait et que vos entrailles étaient suspendues aux arbres, que ressentiriez-vous? Si votre attention est stable, vous pouvez simplement observer tout ce qui se passe. Si le corps explose, vous êtes conscient qu'il explose. Si les intestins s'envolent, vous êtes conscient qu'ils s'envolent. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la ferme conviction qu'il s'agit d'un nimitta, ces images mentales qui peuvent arriver en méditation. Et vous en viendrez à avoir la profonde certitude que rien ne peut vous faire de mal. Lorsque vous fixez votre attention, le nimitta apparaîtra à l'esprit puis disparaîtra. Bien sûr, même après sa disparition, vous continuerez peut-être à vous demander de quoi il s'agissait. J'ai posé d'autres questions à l'Ajahn. Je ne sais plus quoi faire, vénérable. Je n'ai pas eu l'expérience dont vous parlez, mais quelque chose d'autre m'est arrivé. C'est comme si j'étais sur un pont, comme si j'essayais de traverser une rivière sur un pont. Mais j'arrive à un certain point et je ne peux plus avancer. Il n'y a rien pour continuer, alors je fais marche arrière. Ensuite, j'essaie à nouveau, mais je suis toujours obligé de m'arrêter. C'est quelque chose qui m'arrive en samadhi, pas dans un état ordinaire. J'observe ce qui se passe et parfois, je vois quelque chose qui me bloque. Je me demande qui va pouvoir m'aider et j'ai des doutes. Je ne sais pas ce que je devrais faire quand cela se produit. De quoi s'agit-il, vénérable ? Il m'a répondu la chose suivante. C'est quand on arrive aux limites de la perception. Quand tu arrives à ce point, ne bouge pas, reste là. Prends note de tout ce qui se passe. Reste là. Si tu es très présent et conscient, la perception se résoudra d'elle-même. Elle changera toute seule, sans que tu aies besoin de la forcer. Tout ce que tu as à faire, c'est noter ce qui se produit et être conscient de ton état d'esprit quand cela se produit. Cette perception changera. C'est comme lorsque les perceptions d'un enfant deviennent des perceptions d'adulte. L'enfant est fasciné par certains objets et veut toujours jouer avec. Mais quand il grandit et voit ces mêmes objets, il ne s'y intéresse pas. Il voudra jouer ailleurs. C'est sa perception qui s'est transformée. Cette explication m'a apporté une certaine compréhension. Ensuite, Ajahn Wang a dit « Ne parle pas trop. Ne te pose pas tant de questions. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais tout ce que tu as à faire, c'est être conscient qu'en samadhi, tout peut arriver. C'est suffisant. Tout est possible, mais ce n'est pas important. N'aie pas de doute quant à ce qui se produit. Avec cette perspective, ces expériences apparaîtront et disparaîtront sans causer d'obstacles. Ce sont des fonctionnements mentaux impermanents qui n'ont aucune réalité inhérente. Si tu t'attaches à tout ce qui t'apparaît, quand tu verras un canard, il se transformera peut-être en poule, et la poule deviendra un chien. Tout cela pourrait engendrer une confusion sans fin. Pose ton attention sur ce qui apparaît et observe-le disparaître. Mais ne va pas croire que ce sera terminé pour autant. Ne crois pas que tu seras arrivé au bout, m'a-t-il averti. D'autres choses se présenteront encore bientôt, Mais si tu ne te laisses pas tromper, si tu ne crois pas à la réalité de ces choses-là, tu les laisseras simplement passer et elles ne te causeront aucun problème. Observer tous ces phénomènes te donnera une bonne base de pratique. Ne les recherche pas. Contente-toi de prendre clairement conscience de ce qui se présente. En méditation, tu te familiariseras avec ce type d'expérience et tu seras capable de les tourner vers l'intérieur pour que ton esprit en ait une juste connaissance. Si tu as cette attitude, si tu dénoues ainsi la confusion des apparences, une certaine sagesse va progressivement se faire jour et tu seras tout naturellement à même de faire face. Alors, ces phénomènes se résoudront d'eux-mêmes. Ensuite, le maître a ajouté « À l'avenir, ce sera comme dans le passé. Pratique de la même façon. Tes expériences seront plus ou moins fortes, mais dans tous les cas, aussi extraordinaires soient-elles, tu dois maintenir cette compréhension à l'esprit. Sois prudent. Certaines personnes semblent pratiquer tout à leur aise, sans obstruction, sans souffrance. » C'est leur karma antérieur qui arrive à maturation dans le présent. Quand l'esprit est concentré, ce karma s'y engouffre et l'envahit. Dire que l'esprit est envahi ne signifie pas nécessairement que l'on aura de mauvaises expériences. Il y en a de très belles aussi, qui illuminent et éclairent l'esprit. Les choses nocives peuvent faire peur, mais elles peuvent aussi se présenter sous un jour attrayant. Quoi qu'il en soit, toutes les expériences sont dangereuses pour l'esprit. Ne t'y arrête absolument pas. J'ai étudié ainsi avec lui pendant 3 jours. Ensuite, j'ai pris congé, j'ai redescendu la colline et je suis allé pratiquer en suivant ses conseils. Pendant plusieurs jours, j'ai médité et approfondi cette question des nimittas. En contemplant de nombreuses autres choses. Ce fut très enrichissant. Cela m'a fait comprendre qu'il est possible de pratiquer seul, mais que c'est une voie très lente. Sans quelqu'un qui nous aide à comprendre le fonctionnement de notre esprit, nous risquons de tourner en rond pendant longtemps. C'est souvent ce qui arrive avec les méditants. Quand ils sont bloqués, ils sont vraiment bloqués. Pour tout ce qui concerne l'esprit, si on va dans les extrêmes, on peut aller jusqu'à la folie. Il n'est pas facile de résoudre les problèmes de l'esprit. Dans cette région, il y avait un abbé qui avait ordonné un novice. L'abbé n'était pas un méditant, mais son novice pratiquait assidûment la méditation. Au bout de quelques mois, il a commencé à parler beaucoup, a donné des enseignements sur le Dhamma, abordant toutes sortes de sujets de manière très intéressante. Il n'avait jamais étudié les Écritures, mais il parlait de ces choses-là. Cela paraissait prodigieux. L'abbé l'écoutait et ce qu'il disait lui paraissait juste, de sorte qu'il a commencé à croire que le novice était un arahant. Il était capable d'expliquer correctement toutes les facettes du Dhamma et parler de manière très fine et élaborée. Son maître n'avait aucune expérience de la méditation et ne comprenait pas vraiment ses explications, de sorte qu'il était persuadé que son novice avait réalisé une profonde sagesse et que, pour pouvoir enseigner ainsi, il avait dû se libérer de toutes les pollutions mentales. Et puis un jour, ils ont trouvé le corps du novice pendu à un arbre. En fait, il était fou et avait fini par se suicider. C'est seulement alors que l'abbé a compris que le novice s'était comporté comme un fou et pas comme un éveillé. Voilà ce qui peut arriver quand un méditant ne sait pas pratiquer correctement et que personne ne lui a montré la façon dont on doit affronter problèmes et obstacles. Ce qui arrive, c'est une lassitude envers la vie. On ne voit plus l'intérêt de vivre et on ne souhaite plus continuer. Mais cette lassitude relève d'une tristesse émotionnelle. Ce n'est pas le détachement de la sagesse. On ne voit plus aucun sens à la vie et on a l'impression qu'il serait préférable de mourir. Ce genre de choses arrive parce que les gens croient ce que leur souffle leur pensée. Faire confiance à votre mental peut vous mener jusqu'au suicide. Quand il prend la mauvaise route, il peut faire de très graves erreurs. La façon dont je vois les choses, mais c'est seulement mon opinion, c'est qu'on ne doit pas s'intéresser du tout aux pouvoirs surnaturels qui peuvent résulter de la pratique de samadhi. Quand l'esprit s'apaise, contemplez le corps physique. Portez votre attention sur lui tout le temps qu'il faudra. Développez la vision profonde au lieu de rechercher des événements miraculeux. Engagez-vous dans la voie juste et pratiquez la méditation de la vision pénétrante pour développer la sagesse qui voit l'apparition et la disparition de tous les phénomènes. Voilà ce qui va vous aider. Certaines personnes ne voient pas les choses ainsi. Elles veulent pratiquer samadhi jusqu'au bout. Elles veulent que leur pratique de la vertu et de la concentration méditative atteigne la limite. Quant à savoir où se trouve cette limite, où le chemin s'arrête, elles n'en ont aucune idée. En réalité, quelqu'un de sage n'a pas besoin de trop forcer. L'important est de déraciner la réalité conventionnelle, l'apparence des choses, pour en finir avec elle et être libéré. La libération, c'est transcender la réalité conventionnelle et la vider de ses apparences. Selon les apparences, on dit que les choses existent réellement, qu'elles ont certaines caractéristiques, qu'elles sont comme ceci ou comme cela. Lorsque vous éliminez toutes ces suppositions, vous atteignez la transcendance et vous êtes libéré de tous ces phénomènes. Cela, c'est connaître son propre esprit. Il n'est vraiment pas nécessaire de trop vous passionner pour quoi que ce soit. C'est suffisant. Mais cela peut devenir un problème très frustrant. La pratique devient difficile pour certaines personnes parce qu'elles se laissent piéger par leurs pensées. Elles vont trop loin et s'écartent de la voie, tout en pensant qu'elles pratiquent beaucoup et qu'elles font de gros efforts pour obtenir un résultat important. Mais qu'est-ce que pratiquer beaucoup? Et qu'est-ce qu'un résultat important? Elles ne le savent pas trop.